chez vous, vous savez très bien que nous c'est des beaux qui battent. Joka, Joka, Joka, Ayeri, Ayeri, yo, yo, yo. Parce que ça très bien, c'est depuis long time nous qu'a fait. Et que nous fait pas fait sans fait. DJ Digital, Digital, yo. Si vous criez moins pour d'un seul manque à venir. Ma c'est Will Shataman, pas Adimi. Molly Batman, puis c'est notre grand chef Fizi. Si mes joueurs ridim l'an yek de mimi. Si vous criez moins pour d'un seul manque à venir. Ma c'est Will Shataman, pas Adimi. Molly Batman, puis c'est notre grand chef Fizi. Si mes joueurs ridim l'an yek de mimi. Hey, dis qu'on si nous là, d'un seul qui joué. C'est nous qui a fait yo fait, c'est les fessiers. En Caraïbe, la bague est la épée. Et coupé par les nous pas des bébés. Pour nous jouer d'un sol, nous n'y filons. On a de l'essence, prends ton bidon. Fais entre ambiance, mis la mission. Péter les caissons, ça très mignon. Mignon, pas qu'à venir. Ma c'est Will Shataman, pas Adimi. Molly Batman, puis c'est notre grand chef Fizi. Si mes joueurs ridim l'an yek de mimi. Si vous criez moins pour d'un sol, man qu'à venir. Ma c'est Will Shataman, pas Adimi. Molly Batman, puis c'est notre grand chef Fizi. Si mes joueurs ridim l'an yek de mimi. Sa den sol la kabese ou kasan mwen you choke pas bas la zapese ou. Pou pren chata pa bizwen yexese ou. Mi an adrena. Si ou kriye mwen pou den sol man ka vini. Ma se Will Shataman pa Adimi. Molly Batman pri sen lop gran che fizi. Si men jwe ridim lan yek de mimi. Si ou kriye mwen pou den sol man ka vini. Ma se Will Shataman pa Adimi. Molly Batman pri sen lop gran che fizi. Si men jwe ridim lan yek de mimi. Listen man man si men pren. Les balles moins, pour veiller manier ma caille jouer de la vie. Ma si mes prend, si caille moins, abonne son pour moi, c'est les si bi. Ni ça caprin, j'y mets malsain, pour peut régler tout problème et puis conflit. Ni toi violence, mon cas si mais, violence pas jamais, pas mon en belle la vie. Pour d'un seul man qu'a fini, ma c'est Will Shataman, pas Adimi. Molly Batman, puis c'est notre grand chef Fizi. Si mes joueurs ridim l'an yek de mimi. Si vous criez moins pour d'un seul man qu'a fini. Ma c'est Will Shataman, pas Adimi. Molly Batman, puis c'est notre grand chef Fizi. Si mes joueurs ridim l'an yek de mimi.